32e chapitre. Mon premier lièvre. L'ouverture de la chasse arriva. C'était une époque impatiemment attendue par Vatrin, par Michel et par moi. C'était le 1er septembre qu'allait être porté un jugement définitif sur Pritchard. Depuis mon enfance, j'allais faire mon ouverture de chasse au même endroit, chez un brave fermier nommé Monsieur Moquet de Brassoir. C'était chez lui qu'en compagnie de mon beau-frère et de Monsieur de Violaine, j'avais tué mon premier lièvre. C'est une grande affaire que de tuer son premier lièvre. Je crois que je n'ai pas eu tant d'émotion à mon premier succès littéraire. Chaque fois que je faisais l'ouverture à Brassoir, j'allais revoir la place mémorable, et si j'étais avec quelqu'un, je disais solennellement à ce quelqu'un « C'est ici que j'ai tué mon premier lièvre. » Voulez-vous que je vous raconte comment on tue son premier lièvre? Cela me rajeunira de 40 ans, d'autant plus que, suivant mon ami le docteur Demarquet, j'ai en ce moment la jambe étendue sur une chaise avec un épanchement de synovie au genou. Ce qui veut dire que je pourrais bien avoir tué mon dernier lièvre l'année passée. J'avais 13 ans, un joli fusil à coups avec un coussin de velours sur la crosse, indiquant qu'il avait été fusil de dame avant d'être fusil d'enfant. Mon beau-frère et Monsieur de Violaine avaient obtenu de ma pauvre mère que j'irais faire une battue avec eux à Brassoir. J'arrivais là en véritable conscrit. Mes états de service portaient 7 alouettes et une perdrix. Je fus pendant tout le dîner et l'on sait combien de temps dure un dîner de ferme, l'objet des plaisanteries de la société. Mais en nous levant de table, Monsieur Moquet me dit tout bas « Laissez faire, je vous placerai aux bons endroits, et ce ne sera pas de ma faute si, demain au soir, ce n'est pas vous qui vous moquez d'eux. » Quelle nuit ! J'en entendis sonner et j'en comptai toutes les heures. À 6 heures, j'étais levée, descendue, habillée. J'attendais dans la cour. Il faisait nuit close et tout le monde dormait les poings fermés. À 7 heures, les fenêtres commencèrent à s'ouvrir. À 8 heures, les chasseurs étaient réunis et une trentaine de paysans des environs faisaient queue à la grande porte de la ferme. C'étaient les rabatteurs. La chasse commençait en sortant de la grande porte. Monsieur Moquet me plaça à 100 pas de la ferme dans un ravin sablonneux. Des enfants, en jouant, avaient creusé un grand trou dans le sable. Monsieur Moquet m'indiqua le trou, m'engagea à m'y terrer, m'affirmant que si je ne bougeais pas, les lièvres viendraient m'y réchauffer les pieds. Ce n'eût point été du luxe. Il faisait un joli froid, bien cassant. La traque commença. Au premier cri poussé par les rabatteurs, 2 ou 3 lièvres se levèrent, et après s'être consultés sur le chemin qu'ils avaient à suivre, ils se mirent, comme les 3 curiaces dont j'avais la veille traduit le combat dans le De Viris Illustribus, à prendre la route de mon ravin. Je doutais un instant. Était-ce bien des lièvres? Ils m'apparaissaient gros, comme des ânes. Mais lorsqu'il n'y eut plus de doute sur leur identité, lorsque je les vis venir sur moi aussi droit que si ils se fussent donné rendez-vous dans mon trou, un nuage me passa sur les yeux et il me sembla que j'allais m'évanouir. Je crois même que je fermais les yeux. Mais, en les rouvrant, je vis mes lièvres suivant toujours la même direction. À mesure qu'ils s'avançaient, mon cœur battait plus fort. Le thermomètre marquait 5 ou 6 degrés au-dessous de 0, et l'eau me coulait sur le front. Enfin, celui qui faisait tête de colonne parut prendre résolument le parti de me charger et vint droit sur moi. Depuis le moment de son départ, je le tenais en joue. J'aurais pu le laisser rapprocher à 20 pas, à 10 pas, à 5 pas, le foudroyer de mon coup de fusil, comme d'une décharge électrique. Je n'en eus pas la force. À 30 pas, je lui lâchai mon coup à travers le visage. Le lièvre fit à l'instant même un tête-à-la-queue des plus significatifs et commença une série de cabrioles vraiment fantastiques. Il était évident qu'il était touché. Je bondis hors de mon trou comme un jaguar en criant « Y est-il ? En tient-il ? À moi les chiens ! Rabatteur ! Rabatteur ! Ah, coquin ! Ah, brigand ! Attends ! Attends !» Mais au lieu de m'attendre, ou plutôt d'attendre le châtiment que je lui réservais pour l'entêtement qu'il mettait à me fuir, le lièvre, qui entendait ma voix, n'en faisait que de plus extravagants écarts. Quant à ses deux compagnons, l'un, à tout ce tapage et à toute cette gymnastique, rebroussa chemin et força les rabatteurs. L'autre en prit son parti et passa si près de moi que, n'ayant plus rien dans mon fusil, je lui jetai mon fusil lui-même. Mais ce n'était là qu'une agression incidente qui ne m'avait pas autrement détourné de la poursuite principale. J'étais lancé sur mon lièvre qui continuait à se livrer à la carmagnole la plus effrénée, ne faisant pas 4 pas en ligne droite, sautant de ça, sautant de là, bondissant en avant, bondissant en arrière, trompant tous mes calculs, m'échappant au moment où je croyais le tenir, gagnant 10 pas sur moi, comme s'il n'avait pas la moindre égratignure, puis tout à coup, rebroussant chemin et venant me passer entre les jambes. On eût dit une gageure. J'étais exaspérée. Je ne criais plus, je hurlais. Je ramassais des pierres, je les lui lançais. Quand je me croyais à sa portée, je me jetais à plat ventre, espérant le prendre entre moi et la terre, comme dans un trébuchet. À travers la sueur qui m'aveuglait, j'apercevais de loin, comme à travers un nuage, la troupe des chasseurs, les uns riant, les autres furieux. Ceux-là riant de l'exercice désespéré auquel je me livrais, ceux-ci furieux du bruit que je faisais au milieu de l'abattu et qui effarouchait les autres lièvres. Enfin, après des efforts inouïs, que ni la plume ni le pinceau ne rendront jamais, j'attrapai le mien par une patte, puis par deux, puis par le milieu du corps. Les rôles avaient changé. C'était moi qui me taisais et lui qui jetait des cris désespérés. Je le pris contre ma poitrine comme Hercule avait pris Antée et je regagnai mon trou tout en ayant soin de recueillir en passant mon fusil gisant sur le chemin déjà parcouru par moi. De retour à mon excavation, je pus examiner consciencieusement mon lièvre. Cet examen m'expliqua tout. Je lui avais crevé les 2 yeux sans lui faire aucune autre blessure. Je lui allongeai sur la nuque ce fameux coup qui lui servit, à lui comme lièvre, quoique Arnal l'ait appelé depuis le coup du lapin. Puis je rechargeai mon fusil, le cœur bondissant, la main tremblante. Je devrais peut-être arrêter là mon récit, puisque mon premier lièvre est tué. Mais à mon avis, la narration serait incomplète. Je disais donc que je rechargeais mon fusil, le cœur bondissant, la main tremblante. Il me sembla que la charge était un peu forte, mais j'étais sûre du canon de mon fusil, et cet excédent de 4 ou 5 lignes me donnait la chance de tuer plus loin. À peine étais-je replacée que je vis venir un autre lièvre droit à moi. J'étais guérie de la manie de les tirer en tête. D'ailleurs, celui-là promettait de me passer à 25 pas en plein travers. Il tint sa promesse. J'ajustai avec plus de calme qu'on eût pu attendre d'un débutant et que je n'attendais de moi-même. Et je fis feu, convaincue que j'avais ma paire de lièvres. La morse brûla, mais le coup ne partit point. J'épinglai mon fusil. Je l'amorçai et j'attendis. Monsieur Moquet connaissait la place et ne l'avait pas surfaite. Un troisième lièvre venait sur les traces de ses devanciers. Comme le dernier, il me passa en plein travers à 20 pas. Comme le dernier, je l'ajustai. Comme pour le dernier, l'amorce seule brûla. J'étais furieux. C'était à pleurer de rage. D'autant plus qu'un quatrième lièvre arrivait au petit trot. Il en fut de celui-ci comme des deux autres. Il y mit toute la complaisance et mon fusil tout l'entêtement possible. Il passa à 15 pas de moi et pour la troisième fois, mon fusil brûla son amorce mais ne partit pas. Il était évident que les lièvres étaient renseignés et que le premier qui était passé sain et sauf avait fait signe aux autres qu'il y avait là un passage libre. Cette fois, je pleurais véritablement. Un bon tireur, posté à ma place, eût tué ces 4 lièvres. C'était la fin de la battue. Monsieur Moquet vint à moi. « Il a brûlé l'amorce 3 fois, Monsieur Moquet !» lui criai-je d'une voix lamentable. « 3 fois, sur 3 lièvres !» Et je lui montrai mon fusil. « Raté ou brûler l'amorce ?» demanda Monsieur Moquet. « Brûler l'amorce ! Que diable peut-il y avoir à la culasse ?» Monsieur Moquet hocha la tête, sortit de son carnier un tire-bourre, l'emmancha à l'extrémité de sa baguette, tira d'abord la bourre de mon fusil, puis le plomb, puis la seconde bourre, puis la poudre, puis après la poudre, un demi-pouce de terre qui, lorsque j'avais jeté mon fusil après le lièvre, était entré dans le canon et que j'avais repoussé au fond de la culasse en appuyant ma première bourre sur la poudre. J'eusse tiré sur 100 lièvres que mon fusil eût raté 100 fois. Fragilité des choses humaines. Sans ce demi-pouce de terre, j'avais 2 ou 3 lièvres dans mon carnier et j'étais le roi de la battue. Eh bien, c'était sur cette terre aux souvenirs juvéniles que je revenais homme, toujours passionné pour la chasse, toujours dormant mal pendant la nuit qui précédait l'ouverture.